je ne peux m'endormir, car elle est près de lui. Je reste seul à souffrir, tout seul avec mon ennui. Elle sait pourtant que je l'aime, rien ne peut m'en empêcher. Penser qu'elle m'aime, elle n'appartient qu'à lui. Et tous ces gens qui la retiennent ne savent pas qu'ils brisent ma vie. Le soir je viens pour chanter avec une seule.